Rejoignez-nous dans ce voyage à travers le temps. Attachez vos ceintures. Avril 2012. Aujourd'hui, c'est Pâques. C'est la fête religieuse chrétienne la plus importante. Elle commémore la résurrection de Jésus-Christ le troisième jour après sa passion. La solennité commence le dimanche de Pâques qui marque pour les catholiques la fin du jeûne du carême et dure 8 jours. Ici à Belgrade, nous célébrons la Pâque orthodoxe une semaine plus tard, soit le 15 avril. En effet, la date de Pâques des orthodoxes est calculée avec le calendrier julien, alors que celui des catholiques est le calendrier grégorien. Aujourd'hui c'est Pâques, regarde dans le ciel, les cloches ont des ailes, les œufs sortent du sac. Aujourd'hui c'est Pâques. Avril 1904, la France et le Royaume-Uni signent l'entente cordiale. L'entente cordiale est le fruit des efforts diplomatiques qui cherchent à déplacer les différends entre la France et le Royaume-Uni pour aboutir à une alliance nécessaire de ces deux pays. Cette compréhension diplomatique tente de régler en premier lieu le partage de l'Afrique. Avril 1962. Les Français approuvent les accords d'Évian. Les accords d'Évian sont le résultat de négociations entre les représentants de la France et du FLN, Front de Libération Nationale, durant la guerre d'Algérie. Ces accords sont signés le 18 mars 1962 à Évian et se traduisent immédiatement par un cessez-le-feu applicable sur tous les territoires algériens. Ils sont approuvés lors du référendum du 8 avril 1962 par 90% de votants de France métropolitaine, les électeurs des départements d'Algérie étant exclus du scrutin. Avril 1431, naissance de François Villon, poète français de la fin du Moyen Âge. Qui fut sa cousine germaine, et qu'au parlant cambrouillon mène, de sur rivière ou sur étang, qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Ne me quitte pas, il faut oublier tout. Avril 1929. Naissance du chanteur et acteur belge Jacques Brel. Le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas. 8 avril 1973, décès de Pablo Picasso, peintre espagnol. Avril 1994, découverte du corps de Kurt Cobain à son domicile de Seattle.